properly dead before you stop. Abordons maintenant les rives d'une connaissance nouvelle. Je voudrais ici vous entretenir d'un mal méconnu, une terrible maladie ravageuse qui a pour nom le syndrome de nonchalance chronique. Le syndrome de nonchalance chronique, tel d'autres insidieuses affections sournoises comme le lupus, le sida, la paralysie du comateux, la presbytie chez le non-voyant ou la consommation de viande, se rencontre fréquemment dans la population. Mais son diagnostic reste aléatoire, ce qui rend probatoire le bonheur de l'affligé. En effet, le nonchalant chronique, en plus de répéter des phrases saugrenues telles « Dadudly doucement de rue schloss donc te faire » ou « À qui sont les chiffres au vinaigre, peux-tu t'sais ?» ou bien encore « C'est quoi ? C'est qui Claude ?» Eh bien, ce nonchalant chronique trouve toujours excuse après raison et défaite pour éviter d'impliquer son lui-même profond et creux afin qu'il se moule au creuset de cette belle civilisation qui est la nôtre, ou plutôt la vôtre. Aussi, le nonchalant chronique se lave peu, mange peu, travaille peu, gagne peu, bouge peu, rit peu, boit peu, dort peu, baise peu, lépreux, et sauve qui peut, c'est-à-dire personne, sauve peut-être lui-même s'il peut un peu et que point il ne pleut. Malheureusement, à ce jour, nul traitement ne saurait mettre fin à l'état léthargique du nonchalant chronique. L'histoire a démontré que les électrochocs de 750 000 mégavolts, les claques sur aïeul, le conditionnement télévisuel, la douce musique nippone néoclassique, le lavement rectal érotique, le brainwash, le simonize et le changement d'huile ne sont d'aucun véritable secours, mais donnent tout de même un semblant d'espoir au nonchalant chronique déterminé à se sortir de sa mièvreté sempiternelle. Quant aux 99,4% des autres nonchalants chroniques qui s'encrisent bien anyway, l'embarquement pour l'escatutopie est prévu dans 5, 4, 3, 2, 1...